chahut, tohu bohu. Attention coco, voici les petits bricolos. À coup de bec, on fait bing, on fait bang. Et vas-y donc que ça tangue. Un coup pif, un coup bang. On tapait pom patapang. Mais soudain tout s'écroule et roule badaboum. Raté. Et raté. Joli chahut, tohu bohu. Quand ça dégringole, on recommence, on rafistole. À coup de bec, on fait bing, on fait bang. Et vas-y donc que ça tangue. Un coup pif, un coup pang. On tape et pang, patapang. Mais soudain tout s'écroule et roule et badaboum. Raté? Encore raté. Joli chahut, tohu bohu. Joli chahut, tohu bohu. Oh non, on l'a encore raté. Zut. Au fait, mon lapin, tu fais quoi dans la vie? Moi? Je dessine mes rêves. C'est un métier, ça? Évidemment. Tes rêves, ils sont dans ce carnet? Ben oui. Fais voir. Tiens, regarde. En voilà un. Oh, un lapin. Qui fait du bateau. C'est moi. Ressemblant. Oh. Si. Et celui-là? Un avion qui mange des carottes. Et celui-ci? Ça. C'est mon rêve de cette nuit. Le rêve de la Saint-Glinglin. Oh, comme il est beau! Mais dis donc, on dirait nos voisins. Dis là, c'est Pamela? Qui danse la java. Et là, le gros bourdon? Qui danse en caleçon avec colimaçon. Et des kilomètres de guirlandes. Et des lampions en sarabande. Allumé? Allumé. Mais ce n'est qu'un rêve. Des dizaines de cookies, des centaines de cookies, des milliards de cookies et des pépites de chocolat. Dis mon lapin, là, c'est bien écrit Saint-Glinglin, n'est-ce pas? Oui. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je n'en sais rien. Hé, hey, monsieur Pivert, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ah, je n'en sais rien. Dis donc, Raoul, quel jour sommes-nous aujourd'hui? J'en sais rien. Peut-être bien la Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin? La Saint-Glinglin? La Saint-Glinglin? Branle bas de combat! Tiens. Voilà qu'il se passe enfin quelque chose dans cet arbre. Comme quoi la gourmandise. Regardez! On dirait que Saperlipopette essaie de convaincre le lapin de monter dans les étages et d'inviter tous les habitants à faire la fête, comme dans son rêve. Le pauvre, il n'emmène pas large. Il faut dire qu'à force de rêver, ses ressorts sont un peu rouillés. Sans compter que c'est la première fois qu'il pointe son museau dans le grand escalier sombre. On devrait peut-être lui offrir une lampe électrique. Oh, puis non. Laissons-le se débrouiller. Et attendons. Attendons qu'il revienne.